Nombre chapitre 23. Et Balaam dit à Bala, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici sept veaux et sept béliers. Et Bala fit comme Balaam avait dit, et Bala offrit avec Balaam, un veau et un bélier sur chaque autel. Puis Balaam dit à Bala, tiens-toi auprès de ton holocauste, et je m'en irai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te rapporterai tout ce qu'il m'aura fait voir. Ainsi il se retira à l'écart. Et Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai sacrifié un veau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit la parole en la bouche de Balaam, et lui dit, retourne à Bala, et lui parle ainsi. Il s'en retourna donc vers lui, et voici, il se tenait auprès de son holocauste, tant lui que tous les seigneurs de Moab. Alors Balaam proféra son discours sentencieux, et dit, Bala, roi de Moab, m'a fait venir d'Aram, des montagnes d'Orient, en me disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, dis-je, déteste Israël. Mais comment le maudirai-je, le Dieu fort ne l'a point maudit. Et comment le détesterai-je, l'Éternel ne l'a point détesté. Car je le regarderai du sommet des rochers, et je le contemplerai des coteaux. Voilà, ce peuple habitera à part, et il ne sera point mis entre les nations. Qui est-ce qui comptera la poudre de Jacob, et le nombre de la quatrième partie d'Israël? Que je meure de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. Alors Bala dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis très expressément. Et il répondit, et dit, ne prendrai-je pas garde de dire, ce que l'Éternel aura mis en ma bouche? Alors Bala lui dit, viens, je te prie, avec moi, en un autre lieu, d'où tu le puisses voir, car tu en voyais seulement une extrémité, et tu ne le voyais pas tout entier, maudis-le-moi de là. Puis l'ayant conduit au territoire de Tsophim, vers le sommet de Pisga, il bâtit sept autels, et offrit un veau et un bélier sur chaque autel. Alors Balaam dit à Bala, tiens-toi ici auprès de ton holocauste, et je m'en irai à la rencontre de Dieu, comme j'ai déjà fait. L'Éternel donc vint au devant de Balaam, et mit la parole en sa bouche, et lui dit, retourne à Bala, et lui parle ainsi. Et il vint à Bala, et voici, il se tenait auprès de son holocauste, et les seigneurs de Moab avec lui. Et Bala lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a prononcé? Alors il proféra à haute voix son discours sentencieux, et dit, lève-toi, Bala, écoute, fils de Tsippor, prête-moi l'oreille. Le Dieu fort n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir, il a dit, et ne le fera-t-il point, il a parlé, et ne le ratifiera-t-il point? Voici, j'ai reçu la parole pour bénir, puisqu'il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'a point aperçu d'iniquité en Jacob, ni vu de perversité en Israël, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, et il y a en lui un chant de triomphe royal. Le Dieu fort qui les a tirés d'Égypte, lui est comme les forces de la licorne. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. En pareille saison, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que le Dieu fort a fait? Voici, ce peuple se lèvera comme un vieux lion, et se haussera comme un lion qui est dans sa force, il ne se couchera point qu'il n'ait mangé la proie, et bu le sang des blessés à mort. Alors Bala dit à Balaam, eh bien, ne le maudis point, mais au moins ne le bénis pas. Et Balaam répondit à Bala, et dit, n'est-ce pas ici ce que je t'ai dit, que tout ce que l'Éternel dirait, je le ferai? Bala dit encore à Balaam, viens maintenant, je te conduirai en un autre lieu, peut-être que Dieu trouvera bon, que tu me le maudisses de là. Bala conduisit donc Balaam au sommet de Péor, qui regarde du côté de Jésimon. Et Balaam lui dit, bâtis-moi ici cet autel, et apprête-moi ici sept veaux et sept béliers. Bala fit donc comme Balaam lui avait dit, puis il offrit un veau et un bélier sur chaque autel.